Attention, doucement, il y a quoi? Attends, en direct. Allez, travaille. Oh. Wesh, les gars. Quel bail? On sort pas? Non, poster. On a compétent. Tout ce qui est petit est mignon, mon frère. Wesh, les gars, j'ai besoin d'une guitare qui fait de gros dégâts pour éteindre ces gros dégâts. Wesh, wesh, wesh, les gars, ce soir on parle affaire. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là, à nous regarder de travers. Wesh, wesh, wesh, les gars, j'ai besoin d'une guitare qui fait de gros dégâts pour éteindre ces gros dégâts. Wesh, wesh, wesh, les gars, ce soir on parle affaire. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là, à nous regarder de travers. Wesh, wesh, minimum, une table à une barre. Et j'ai mettre à l'écart. Qui sait pas, au poignet la haute mare, la même que Neymar. J'ai enfilé le peignoir, tout blanc dans un masé noir. Tu veux la belle vie, vider la belle vie. Je suis sur le boulevard, je m'arrête devant LV. J'ai senti la quicheta, 1100, la sacoche. Sur Insta t'es trop fraîche, en vrai t'es trop moche. Wesh les gars, j'ai besoin d'une guitare qui fait de gros dégâts pour éteindre ces gros dégâts. Wesh, wesh, wesh les gars, ce soir on parle affaire. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là, à nous regarder travers. Wesh, wesh, wesh les gars, j'ai besoin d'une guitare qui fait de gros dégâts pour éteindre ces gros dégâts. Wesh, wesh, wesh les gars, ce soir on parle affaire. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là, à nous regarder travers. Wesh, wesh, wesh les gars. Là c'est la grosse moula ta Bogota, celle qui fait de gros dégâts. Wesh, wesh, wesh les gars, en esprit toujours là. GLK, Huzlaga, banlieue Zarkan, Pachenga, Mad, Mani, Rebenga. Chez nous c'est Panam, Paoletta, Ronaldinho et Zlatan. Jimmy deux fois, deux verres de champagne. Double quiche t'a caché dans la campagne. Dans la maison, y'a deux méchantes armes. Fais attention avec mon arme blanche. Armé comme les mecs t'as la maison blanche. Distribue de la blanche, dans la salade on vous laisse les branches. Gars, j'ai besoin d'une guitare qui fait de gros dégâts pour éteindre ces gros dégâts. Wesh, wesh, wesh les gars, ce soir on parle affaire. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là, à nous regarder de travers. Wesh, wesh, wesh les gars, j'ai besoin d'une guitare qui fait de gros dégâts pour éteindre ces gros dégâts. Wesh, wesh, wesh les gars, ce soir on parle affaire. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là, à nous regarder de travers. Wesh, wesh, wesh les gars. Wesh, wesh, wesh les gars.